N'attendez pas la dernière minute pour offrir votre vie au Seigneur. N'attendez pas d'avoir fini votre vie et de l'avoir gaspillée. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présente l'enseignement biblique de Charles Stanley. Si vous fouillez les rayons d'une librairie séculière, vous trouverez beaucoup de livres pratiques et nous renseignent sur des sujets variés. Comment, par exemple, améliorer ses habiletés en tant que parent ou comment améliorer son jeu au football. Cependant, vous aurez beaucoup de difficultés à trouver des livres qui parlent de la méthode que Dieu a prescrite à l'homme pour s'améliorer. Aujourd'hui, Charles Stanley nous aide à mettre en pratique une méthode biblique qui a fait ses preuves et qui vous mènera à la grande découverte de la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas d'une prière magique ou d'une leçon sur une nouvelle consécration, mais bien d'une discipline pratique qui exige du temps et des efforts. Charles Stanley nous explique comment nous pouvons reconnaître la volonté de Dieu. Je connais un passage des Écritures qui nous révèle la volonté de Dieu pour notre vie, peu importe notre situation du moment. C'est pourquoi j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « La volonté de Dieu, la grande découverte ». Ouvrons notre Bible au chapitre 12 de l'Épître aux Romains. En général, lorsque nous lisons ce passage, nous ne pensons pas forcément qu'il parle de la volonté de Dieu. Pourtant, c'est exactement le sujet que Paul aborde dans Romains 12, versets 1 et 2. Resituons-nous d'abord dans cet épître. Dans les cinq premiers chapitres de Romains, l'apôtre Paul décrit la condition pécheresse de l'homme et jusqu'à quel point l'humanité est totalement et absolument perdue. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ensuite, dans les 6e, 7e et 8e chapitres, son sujet principal est la marche selon l'Esprit. Paul nous apprend que Dieu ne condamne pas les croyants, et c'est pourquoi nous pouvons marcher dans l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et dans les 9e, 10e et 11e chapitres, il parle de l'œuvre de Dieu dans la vie du peuple d'Israël et comment ce peuple est inclus dans son offre de grâce. Finalement, à partir du 12e chapitre jusqu'à la fin de l'Épître, Paul nous entretient sur les applications pratiques de toutes les doctrines qu'il a énumérées jusqu'ici. Les deux premiers versets du chapitre 12 sont puissants. En fait, ces deux versets pourraient m'interpeller jusqu'à la fin de ma vie, comme ils l'ont fait depuis que je suis sauvé. Lisons donc Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le premier verset nous interpelle tous avec puissance, car il ne fait aucun doute qu'il décrit la volonté de Dieu pour notre vie. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Il faut se donner à Dieu. Réfléchissons à l'expression « offrir nos corps en sacrifice ». À qui le sacrifice doit-il être offert? À Dieu. Et qu'est-ce qui doit être offert? Notre être tout entier. Dieu veut un sacrifice vivant et saint. Il ne nous encourage pas à nous présenter lorsque nous serons morts. Non, il nous veut vivants et il nous veut maintenant. Et je veux m'adresser spécialement à vous, jeunes gens et enfants. Dieu vous veut jeunes. Il veut toute votre vie, pas seulement des miettes. J'entends souvent de jeunes personnes déclarer « Je vais être sauvé un de ces jours ». Mais quand Dieu vous veut-il? Je n'ai jamais lu ou entendu dire qu'il vous voulait demain ou un de ces jours. Il vous veut aujourd'hui. Dieu veut des sacrifices vivants et saints. Il veut des gens qui s'abandonnent à lui pour que leur vie entière lui soit consacrée. Et je pense également à des personnes qui vivent pendant 50 ou 60 ans avant d'être sauvées. Qu'ont-elles à offrir à Dieu? Ce qui leur reste de leur vie? Dieu ne veut pas seulement les miettes. Il veut un sacrifice vivant, et il le veut maintenant. Il veut un sacrifice qui lui soit utile, par lequel il peut transmettre sa vie. Entendez-le nous dire, « Abandonnez-vous tout entier à moi. » Rappelez-vous de ce qu'il a fait pour vous. Ce qu'il nous demande en échange est peu comparé à sa bonté, à son amour, à sa bienveillance et à sa miséricorde. Le seul sacrifice qui soit agréable à Dieu est un sacrifice saint. Devons-nous être sans péché, alors? Pas forcément. Mais ce que Dieu désire, c'est que dans cette vie présente, nos cœurs penchent pour lui. Il espère que nous allons lui obéir, marcher dans ses voies et dans sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il désire sincèrement que nous découvrions sa volonté pour notre vie. Et si parfois nous trébuchons ou nous tombons, nous nous relevons et nous continuons notre marche en faisant confiance à Dieu, car il nous a dit qu'il ne condamnait pas ses enfants, qui grandissent et mûrissent dans la vie chrétienne. Il nous exhorte à nous offrir à lui comme un sacrifice, vivant, saint et agréable. La première chose que Dieu réclame de nous, c'est une offrande. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ensuite, il s'attend à ce qui est écrit dans Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Considérez bien cet extrait. « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Se conformer signifie se comporter de manière à être en accord avec quelque chose. Nous devons donc nous offrir entièrement à Dieu en cessant de ressembler au monde parce que, premièrement, tout y est artificiel. Cette image ne correspond pas à qui nous sommes en Jésus-Christ. Il faut faire attention, car nous vivons dans une société qui cherche à nous faire entrer dans un moule. Paul nous met en garde. « Ne vous conformez pas à ce monde, refusez d'entrer dans ce moule. Ne laissez pas le monde vous transformer à son image, car vous serez déçus. » Paul nous exhorte plutôt à suivre un autre chemin. Écoutez ce qu'il nous dit. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Une transformation implique un changement, et être transformé signifie qu'un changement se produira en nous. C'est le rôle du Saint-Esprit d'opérer ces changements. Avant que nous soyons sauvés, nous vivions des situations difficiles. Nous avions emprunté de mauvaises voies ou nous avions adopté de mauvais comportements qui méritaient d'être changés. Paul essaie de nous faire comprendre qu'en plaçant notre confiance en Jésus-Christ comme notre Sauveur, une transformation a débuté. Lorsqu'il parle de transformation, Paul se réfère à une évolution. Toutefois, parallèlement à l'œuvre du Saint-Esprit, nous avons une responsabilité personnelle à assumer. Nous devons renouveler notre intelligence. Selon Paul, c'est en renouvelant notre intelligence que nous cesserons d'entrer dans le moule et de ressembler au monde. Au lieu de cela, nous serons transformés en permettant à l'Esprit de Dieu de changer notre vie et nous deviendrons les personnes que Dieu désire que nous soyons, c'est-à-dire ses enfants qui marchent dans l'Esprit et permettent au Christ de vivre sa vie en eux et à travers eux. Le renouvellement de l'intelligence est donc une responsabilité partagée. Le Saint-Esprit ne travaille pas seul, il collabore avec nous pour que ce travail s'accomplisse. C'est un travail d'équipe. Voyons à présent comment Dieu renouvelle notre intelligence et travaille dans nos pensées. Une de ses façons d'agir est celle-ci. Si je veux vraiment amorcer le renouvellement de mon intelligence, je dois d'abord me poser cette question. Si je n'aime pas la façon dont je pense, comment est-ce que je veux penser? Je veux penser comme Dieu pense. Et si je veux penser comme Dieu pense, je dois d'abord découvrir comment il pense. Et pour découvrir comment il pense, je dois étudier sa parole dans la Bible. Et qu'est-ce que la Bible peut nous enseigner si nous voulons connaître la pensée de Dieu? Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu donc, par la bouche de son serviteur Paul, nous exhorte à offrir notre être tout entier comme un sacrifice vivant, saint et qui lui est agréable. Il s'agit d'une action d'adoration qui lui plaît et qui l'honore. Nous pouvons chanter et l'adorer, nous pouvons faire preuve de libéralité et l'adorer, mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est que nous lui soumettions totalement nos vies. Si nous désirons savoir ce que Dieu pense de notre vie et comment il aimerait que nous vivions, nous devons lire sa parole. À l'époque de Jésus, les gens étaient confrontés aux mêmes problèmes que nous aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, les versets 39 à 42, « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Lorsque quelqu'un nous frappe sur la joue, Jésus nous encourage à présenter l'autre joue. Cela n'a jamais été une idée très populaire, pas plus que le fait de laisser son manteau ou un autre vêtement, ou de marcher 2 000 avec quelqu'un qui nous force à en faire un. Aucun de ces conseils ne cadrait avec la société de l'époque. Ce n'est pas différent actuellement. En vérité, si nous voulons marcher saintement en Jésus et dans la volonté du Père, nous nous abandonnerons à lui et nous ferons ce que Dieu nous dit de faire. Nous ne chercherons pas à nous conformer au monde dans lequel nous vivons. Car de nombreux chrétiens font face aujourd'hui à un même problème. Ils veulent être acceptés par les autres. Ils veulent leur plaire. Ils sont même prêts à changer leur mode de vie pour y parvenir. Une telle conception conduit fatalement au désastre. Paul nous exhorte à ne pas nous laisser influencer par le monde. Mais comment atteindre un tel détachement? En renouvelant notre intelligence. Nous devons continuellement penser comme Dieu pense, sans interruption. C'est faisable si nous plongeons dans la parole de Dieu en nous assurant qu'elle dirige notre pensée. Gagnerez-vous un concours de popularité de cette façon? Sûrement pas. Et c'est ce que nous trouvons si difficile. Car il faut beaucoup de courage pour vivre dans une société qui nie l'existence même de Dieu et qui tente par tous les moyens de nous conformer à sa pensée. Toutefois, si elle échoue dans sa mission diabolique, qu'arrivera-t-il? Elle vous attaquera. Pourquoi? Parce que votre vie droite la culpabilise. Les gens savent ce qu'ils devraient faire, mais ils n'ont pas assez de volonté pour réagir correctement. Voilà leur problème. Ils ne veulent pas de nous. Pourquoi? Parce que quand on vit dans la débauche, la sainteté paraît très, très répugnante. Elle ne cadre pas avec le reste. Une deuxième manière de renouveler notre intelligence est de passer du temps avec le Seigneur dans la prière pour lui raconter ce que vous pensez. Et que va-t-il faire? Il vous répondra. Il stimulera votre esprit et touchera votre cœur. Il suscitera en vous de fortes émotions. Vous saurez que Dieu travaille en vous et qu'il vous parle. Et pendant ce temps, vous apprendrez à penser comme lui. Si vous cherchez à ressentir un sentiment profond de paix et de sécurité, la meilleure chose à faire est de considérer votre vie du point de vue de Dieu. Lorsque vous pensez à votre vie à la façon de Dieu, vous pensez comme celui qui vous aime d'un amour incommensurable. Le Dieu qui vous aime vous protège, vous pardonne et vous purifie, celui qui prépare votre demeure dans les cieux. Mais pour y arriver, vous devez passer du temps de qualité avec le Seigneur. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous ne passez pas du temps dans la parole et si vous ne passez pas de temps avec Dieu, vous vous ferez happer par ce monde, vous le laisserez vous influencer au lieu de l'influencer et vous finirez par lui ressembler. Je le répète. Vous pourriez écouter autant d'enseignements bibliques que vous voudrez. Mais si vous ne vous fixez pas un temps pour lire la parole de Dieu, et pour discuter avec lui, vous ne triompherez jamais des attraits de ce monde. Une troisième manière de renouveler notre intelligence est de passer du temps avec des hommes et des femmes de Dieu et de discuter avec eux des manières dont Dieu agit dans leur vie. Laissez-les vous raconter ce qu'ils ont appris et compris de la parole de Dieu. Laissez-les vous dire ce que Dieu accomplit dans leur vie et comment il parle à leur cœur. Ces discussions seront bénéfiques et vous serez encouragés. Pendant que vous vous rassasirez de la parole de Dieu, vous remarquerez que vous pensez de plus en plus comme il pense. Et alors que vous répandrez votre cœur devant lui et que vous écouterez ses pensées, elles deviendront vôtres. Finalement, la quatrième manière de renouveler notre intelligence est de suivre Dieu à la trace. Comment? En observant comment il travaille dans notre vie, par exemple, ou en tenant un journal. Vous y consignez les réflexions de Dieu, les difficultés et les épreuves qu'il permet, ou vos propres impressions. Et si vous vous réveillez un matin, par exemple, en vous écriant « Seigneur, où es-tu ?» et que vous trouvez Dieu distant, écrivez-le. Quand nous relisons nos notes du passé, il nous arrive souvent de confier à Dieu ce genre de réflexion. « Seigneur, où étais-je donc dans mon cheminement spirituel quand j'ai écrit ça ?» Et il vous répondra « Tu en étais à cette étape-ci, et moi je le savais, car j'étais là aussi près de toi. Je n'étais pas en colère ou troublé, je n'étais même pas déçu que tu me dises cela. » Lorsque nous nous concentrons sur Dieu, personne ne peut nous éloigner de la vérité. Le monde ne nous engloutira pas dans son moule. Quelles seront les conséquences? Les gens ne vous aimeront pas beaucoup. Ils pourraient même vous rejeter, mais dans leur fort intérieur, ils souhaiteraient avoir le courage que vous avez de ne pas vous laisser influencer et dominer par le courant de pensée de nos sociétés. Nous ne leur voulons qu'un mal. Nous ne désirons tout simplement pas leur ressembler. Laissons en revanche la curiosité les mener vers nous. Et s'ils nous attaquent, laissons-les faire. Qu'ils racontent ce qu'ils veulent de nous, pendant que nous continuons à marcher avec douceur dans le Seigneur Jésus. Ultimement, des transformations s'opéreront chez certains d'entre eux, mais ne les laissez pas vous faire entrer dans le moule. Ne les laissez pas vous modeler à l'image de ce monde. Il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Remarquez ce que l'apôtre Paul dit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Paul nous exhorte à découvrir quelle est la volonté de Dieu. Considérez bien ceci. Dieu nous lance ici le défi d'une vie. S'offrir à lui tout entier, corps, âme, esprit, pensée, volonté et émotion. Existe-t-il un défi plus considérable que celui-là? Abandonnez-vous dans les bras de Dieu. Après nous avoir décrit ce qu'est la volonté de Dieu, Paul nous annonce ce que nous allons découvrir à son propos. Premièrement, cette volonté est bonne, même si je dois admettre qu'il m'est arrivé plusieurs fois de dire au Seigneur, « Je sais bien que tu dis que ta volonté est bonne, mais là je ne suis pas d'accord. » Avez-vous déjà fait cela? Je crois que nous connaissons tous nos moments de mésentente avec Dieu sur ce qui est bon ou non. Et nous argumentons avec lui. « Seigneur, comment peux-tu prétendre que c'est une bonne chose? » Je sais ce que Romains 8, 28 dit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais Seigneur, si tu dis que tu fais concourir toutes choses à notre bien parce que tu nous aimes, comment cette chose peut-elle être bonne? malgré tous les prétextes du monde, Paul nous déclare que la volonté de Dieu est bonne. Pourquoi devrais-je m'attendre à ce que la volonté de Dieu soit autre chose que bonne lorsque la bonté fait partie de la nature et du caractère même de Dieu? Comment vit-il? Comment réagit-il? Comment traite-t-il ses enfants? Dieu a toujours notre bien à cœur. Vous pourriez parler des occasions où Dieu vous a corrigé, mais là aussi, il agit pour notre bien. Car nous avons parfois besoin de discipline, et s'il n'y voyait pas, que se produirait-il? Nous serions dans de beaux draps. Même sa discipline et ses corrections sont bonnes. Ce que j'aimerais vous faire comprendre sur la volonté de Dieu, c'est que, premièrement, elle est bonne. Revenons maintenant à Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Concentrons-nous sur le mot « agréable ». J'ai beaucoup de problèmes avec ce mot. Même si ce sacrifice est agréable à Dieu, il ne l'est pas pour moi. L'Écriture se tromperait-elle? Non. Mais alors, comment concilier ce qui est agréable à Dieu et à ce qui m'est plutôt désagréable? Laissez-moi vous parler de ma propre expérience. J'ai découvert que les événements liés à la volonté de Dieu ne m'étaient pas toujours agréables. Or, pendant que je cheminais dans cette situation difficile, pendant que je la haïssais, que je me plaignais, que je gémissais et que j'insistais auprès de Dieu pour qu'il change d'avis, sans résultat, voici ce que j'ai réalisé. Pendant que mon intelligence se renouvelle, ma pensée se transforme. Il se passe alors de curieuses choses. Ce qui était, de prime abord, désagréable devient agréable. Cela veut-il dire que je me suis résigné et que j'endure mon mal? Non. Cela signifie que lorsque j'ai renouvelé mon intelligence, j'ai commencé à considérer ma situation selon la perspective de Dieu. Je peux donc à présent me retourner et remercier le Seigneur de n'avoir pas cédé à mes récriminations, car s'il l'avait fait, ma vie n'aurait pas été aussi fantastique. La volonté de Dieu est bonne et elle est agréable. Elle est agréable lorsque je m'abandonne à lui, que je me soumets à lui par le renouvellement de mon intelligence. Je commence alors à comprendre comment Dieu pense et à entrevoir les choses selon son point de vue. Poursuivons avec Romains chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Paul nous enseigne que la volonté de Dieu était bonne et agréable. Il nous apprend maintenant qu'elle est parfaite. Qui pourrait refuser de servir un Dieu comme celui-là? Peut-être, pensez-vous. C'est facile de parler ici, mais vous ne connaissez pas ma situation. Laissez-moi vous rappeler que Dieu est au courant de votre situation. Si vous êtes son enfant, il va soit la changer, soit la rendre agréable en vous montrant qu'elle fait partie de son plan. Moi aussi, je dois admettre qu'il y a certaines choses que je n'arrive pas à comprendre. Mais je n'ai pas besoin de les comprendre. Ce que j'ai découvert, en revanche, c'est de ne jamais fuir devant une situation pénible, même si je ne la comprends pas. Car alors, je pourrais marcher à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu est aux commandes, et il nous place parfois dans des circonstances difficiles sans que nous sachions pourquoi. Mais rappelez-vous que si vous vous abandonnez à lui avec confiance, en sachant qu'il vous le guidera, vous protégera et vous offrira tout ce dont vous avez besoin, il prendra les commandes. Rien ne plaît plus à Dieu que de nous voir lui donner le plein accès à nos vies. Et pourquoi veut-il cela? Parce qu'ainsi, il peut nous exprimer sa bonté, son amour, sa miséricorde et nous bénir abondamment. La volonté de Dieu est bonne et agréable. Et en plus, elle est absolument parfaite. Pourquoi? Parce que Dieu nous l'a promis dans sa parole. Il nous a donné ce qu'il avait de divinement meilleur. nous pouvons prier ainsi. Père, nous t'aimons et nous bénissons ton saint nom. Nous te remercions car tu nous aimes assez pour nous donner ce que tu possèdes de meilleur. À présent, je prie, alors que je lance cette invitation qui est entendue par beaucoup, que chaque auditeur ait la sagesse de te dire « Seigneur, voici ma vie. Je l'ai gâchée. J'ai essayé de l'amener comme je l'entendais. Mais maintenant, je te laisse faire. Je t'en remets les clés. Prends-les. Prends ma vie comme un sacrifice vivant et saint. Et utilise-la afin qu'elle t'honore et te glorifie. Je prie tout cela au nom de Jésus. Ainsi soit-il. » Une vie transformée est conditionnelle à une pensée transformée. C'est cette vérité que Charles Stanley nous a présentée lors de l'émission d'aujourd'hui. Au fur et à mesure que vous vous mettez à penser comme Dieu pense, vous découvrirez que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. J'espère que, comme moi, vous avez été édifié par le message d'aujourd'hui. Il est tellement vrai. Lorsque nous menons une vie conforme à la volonté de Dieu, les attraits illusoires du monde nous semblent en effet fades et superficiels. Lorsque par mégarde ou par folie, je m'y laisse prendre, je suis émerveillé par la rapidité avec laquelle le Seigneur m'accorde son pardon aussitôt que je retourne dans le droit chemin. Plusieurs personnes considèrent la volonté de Dieu comme une chose à éviter absolument parce qu'ils s'imaginent que Dieu en demande trop et que c'est très désagréable. Mais le psaume 100 nous rappelle que Dieu est toujours bon envers ses enfants dans les versets 1 à 5. Poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours. L'émission d'aujourd'hui vous a plu? Vous aimeriez en savoir plus? Aujourd'hui, l'Espoir offre aux assoiffés de la source de vie qui est en Jésus-Christ une occasion unique de parfaire leur connaissance de la Bible. Vous pourrez suivre ces cours sans avoir à vous déplacer dans le confort de votre foyer. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.